بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc le quatrième cours بإذن تعالى le chapitre 4 concernant la crainte que celui qui ne comprend pas le Coran fasse partie des hypocrites. Attention, on ne dit pas celui qui ne comprend pas le Coran fait partie des hypocrites. Ce n'est pas ce qui est dit ici. C'est la crainte. C'est-à-dire que celui qui ne comprend pas le Coran, il doit avoir peur concernant sa propre personne de faire partie des hypocrites. Et certes, les compagnons, ils avaient peur concernant leur propre personne de faire partie des hypocrites. Concernant leur propre personne. Aujourd'hui, tu demandes à une personne, est-ce que tu n'as pas peur de faire partie des hypocrites? Moi? Mais non, alhamdoulilah, moi je suis... Moi? Mashallah, Léa. Mashallah. Les compagnons, ils avaient peur de faire partie des hypocrites. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ibn Abi Shayba cite dans son Musannaf qu'un homme parmi les hypocrites est mort. Alors Hudhayfa n'a pas prié sur lui. Falam yusalli alayhi Hudhayfa. Omar, il lui a dit, Hudhayfa c'est qui? Hudhayfa c'était sahibu asrar au sirr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié des dépôts. La connaissance des hypocrites. Un tel c'est un hypocrite, un tel, un tel, un tel. Et donc Hudhayfa, lorsqu'un hypocrite venait à mourir, Hudhayfa ne priait pas sur lui. Et donc un parmi les hypocrites est mort, alors Omar est allé voir Hudhayfa, il a vu que Hudhayfa n'a pas prié sur lui, il lui a dit, Amin al-Qawmihu, est-ce qu'il fait partie des leurs, c'est-à-dire des hypocrites? Alors il lui a dit, Hudhayfa lui a dit, Na'am, il lui a dit oui. Alors Omar, il a dit, Abillahi minhum ana. Par Allah, est-ce que moi je fais partie des leurs? Omar, le deuxième meilleur de cette communauté, après Abu Bakr, et après le prophète de la communauté, il demande à Hudhayfa, par Allah, est-ce que moi je fais partie des hypocrites? Alors Hudhayfa lui répond en disant radiyallahu anhu la wa lan ukhbira bihi ahadan ba'dak. Il lui a dit non, tu ne fais pas partie des leurs et par Allah je n'en informerai à personne après toi. Après toi, je ne dirai à personne. Donc personne ne vient me demander s'il fait partie des hypocrites ou pas. Et donc ici Omar radiyallahu anhu, il avait peur de faire partie des hypocrites. Et lorsque Hudhayfa lui a donné la réponse, il a pleuré. Omar, radiallahu anhu, il a pleuré. Dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Abi Mulayka, qui dit « Adraktu 30 min ashabi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kulluhum yakhafu al-nifaq ala nafsihi » ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. البخاري il dit dans son sahih que Ibn Abi Mulayka il a dit j'ai rencontré 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient peur de l'hypocrisie concernant leur propre personne. Il dit, j'ai rencontré 30 des compagnons du prophète et tous avaient peur de l'hypocrisie concernant leur propre personne. Aucun d'entre eux ne disait qu'il avait la foi de Jibril et de Mikaïl. Et certes, il a été rapporté de Hassan qu'il a dit, les seuls personnes qui ont peur de l'hypocrisie sont les croyants. Et ceux qui n'ont pas peur de tomber dans l'hypocrisie sont les hypocrites eux-mêmes. Et donc, nous tous, en tant que croyants, nous devons avoir peur de l'hypocrisie. peur de tomber dans l'hypocrisie. Talib, est-ce qu'il y a des signes de l'hypocrisie? Oui. Les caractéristiques de l'hypocrisie, oui. Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans son livre des caractéristiques des hypocrites. Et donc lorsque tu vois en toi une ressemblance à ces gens-là, tu dois corriger ça tout de suite. Je ne veux pas faire partie des leurs. Et ici, on va voir une des caractéristiques des hypocrisies. Donc l'auteur des hypocrites, l'auteur qui nous dit est la parole d'Allah le Très-Haut. Il y a parmi eux, certains qui t'écoutent, et une fois sortis de chez toi, et donc la suite du verset. Ici, ce qui est voulu ici, donc, la suite du verset, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa idha kharaju min indik, qalu lil ladhina utul ilma madha qala anifa » Et lorsqu'ils sortent de chez toi, alors ils disent à ceux à qui la science leur a été donnée, qu'a-t-il dit? C'est-à-dire que ces personnes-là, ils vont écouter la parole du prophète, ils écoutent ce qu'il dit, et ensuite, lorsque le prophète a fini son discours, ou lorsque eux, ils sortent, ils vont voir ceux qui ont de la science, et ils leur disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils disent ça pour se moquer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, ils ne profitent pas du Coran, et ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Et donc, si tu vois que tu as du mal, que tu ne comprends pas le Coran, il faut que tu aies peur. Il faut que tu aies peur d'avoir une des caractéristiques des hypocrites. Et la parole d'Allah, le puissant, le majestueux, nous avons certes destiné beaucoup de djinns et d'hommes à l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas. Allah tabaraka wa ta'ala, à la suite de cette parole, il dit وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Ceux-là sont comme les bestiaux et ils sont plus égarés qu'eux. Ils sont plus égarés que les bestiaux. Ou les ikaroul rafiloun. Ceux-là sont les insouciants. Ils sont totalement insouciants. Et donc ces gens-là, ils sont, leur destination, c'est le feu. Ils sont pires que les bestiaux parce que ces gens-là, leur destination, c'est le feu. Contrairement aux bestiaux. Les bestiaux n'iront pas dans le feu. Et donc ils sont plus égarés encore que les bestiaux. Et certes, il y a dans ce verset un passage important, barakallahu fikoum. Une fois, on abordait un sujet, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, dans la mosquée du Nord. Et il y a un frère qui m'a dit, mais il y a beaucoup de musulmans qui font comme ça. Ou alors, il y a beaucoup de personnes qui font comme ça. Beaucoup de personnes font comme ça. Beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qui sont comme ça. C'est pas... Beaucoup de sujets où tu vas avoir beaucoup de personnes qui font quelque chose qui n'est pas correct. La quantité n'est pas une preuve de la vérité. La quantité n'est pas une preuve de la vérité. Et c'est pour ça qu'on voit dans ce verset, le passage qui a été cité, nous avons certes destiné beaucoup de djinns et d'hommes à l'enfer. Beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que les communautés lui ont été exposées. Il a vu un prophète qui était tout seul. Un prophète qui avec lui un ou deux personnes qui ont cru. Est-ce que ces gens-là étaient dans le faux? Non, ils sont sur la vérité, même s'ils ne sont pas nombreux. Et donc la vérité n'est pas liée au nombre. Et ça c'est très important. La vérité, elle est liée aux preuves. Le Coran et la Sunna. Voilà, la vérité, elle est liée aux preuves textuelles. Il ne faut pas regarder, ah, mais il y a beaucoup de personnes qui font, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont dans le feu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que cette communauté, la communauté musulmane, il a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 groupes, et les musulmans. Cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous dans le feu, sauf un. Sauf un, il y a beaucoup de personnes qui vont dans le feu. Et donc tu ne peux pas te baser sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui font, il y a beaucoup de personnes qui font comme ci, beaucoup de personnes font comme ça, beaucoup de personnes font comme ci. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup à nos frères, les frères qui sont convertis. Parfois tu te convertis, tu viens à la mosquée, tu fais un peu comme tout le monde. Tu vois des gens, ils font comme ça, tu arrives à la mosquée, des gens ils font des invocations, dès qu'ils ont fini leurs invocations, tu rentres chez toi, tu dis la prochaine fois je fais la même chose. Allez, bismillah. On te demande, t'as pris ça où? Allah Alem, j'ai vu un, il a fait à la mosquée. Il a fait, j'ai fait comme lui. J'ai vu 2, 3, 4 qu'ils ont fait. Allez, maintenant que tu as vu 2, 3, 4 qu'ils ont fait, va leur demander aux 2, 3, 4, t'as pris ça où? Il va te dire, j'ai vu 2, 3, 4 aussi, ils ont fait. J'ai vu 2, 3, 4 qu'ils ont fait. 2, 3, 4 qu'ils ont fait. Allez, va demander aux 2, 3, 4. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas continuer comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Le prophète, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, sallu, kamera eitumuni ou salli. Priez de la même manière que vous m'avez vu prier. Toi, tu ne l'as pas vu prier, mais les compagnons, ils l'ont vu et ils te rapportent comment ils priaient. Va pas imiter les gens à la mosquée. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des convertis, je leur dis, attention, moi, je ne suis pas prêtre. Ça veut dire, faut pas me suivre à la lettre. Si tu vois que je te ramène une preuve, un argument, la parole d'Allah, la parole du prophète, bismillah. Si tu vois que je te ramène pas de preuve, il faut pas prendre. On suit pas les gens comme ça. Ah, j'ai vu, il a fait comme ça, ben je fais comme lui. Parce que c'est pas tout ce que les gens font qui est bon. Donc les textes. Voilà, il faut prendre les preuves textuelles. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, d'après Asma, radiallahu anha, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous verrez, vous serez certes éprouvés dans vos tombes. Mashallah, l'épreuve de la tombe. Vous serez certes éprouvés dans vos tombes. Une épreuve semblable ou proche à celle du Dajjal. On viendra à chacun d'entre vous en disant, que connais-tu de cet homme, le croyant ou celui qui a la certitude, je ne sais pas lequel des deux termes a prononcé Asma. Alors cette personne-là dira, c'est Mohammed, le messager d'Allah. Il est venu à nous avec les preuves et l'a guidé. Et donc ça c'est la personne, lorsqu'elle sera dans la tombe, la personne qui est croyante, qui a la certitude, elle dira cela. Nous avons alors répondu à son appel et nous l'avons cru et nous l'avons suivi. Il sera alors dit, repose en paix, nous savons que tu étais croyant. Quant à l'hypocrite ou celui qui est hésitant, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire quelque chose, alors j'ai répété. Rapporté par les deux chefs, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, et d'après le récit d'El-Barra, ou du moins d'El-Barra, Ibn Azim, radiallahu anhu, dans le recueil authentique, le croyant dira, il est le messager d'Allah. Tous deux diront alors, tu as lu le livre d'Allah, tu as eu la foi en lui et y as cru. Et donc, premièrement, dans ce hadith, on remarque, barakallahu fikoum, comment les savants du hadith, les gens du hadith, ils recherchent à montrer la vérité. Ici, on a Fatima bintul Mundir qui elle avait un doute concernant la parole de Asma. Est-ce que Asma, elle a dit, donc, le croyant ou celui qui a la certitude? Elle a eu un doute. Alors, elle a précisé, elle a dit, je ne sais pas lequel des deux termes a prononcé Asma. Elle n'a pas fait une tentative, tiens, je dis celui-là et ça va passer dans le hadith. Ça va passer. Non. Elle a été claire, elle a cité les deux termes sur lesquels elle doute et elle a dit, je ne sais pas lequel des deux termes a prononcé Asma. Il y a dans ce hadith aussi l'importance de connaître la religion avec certitude. Il faut connaître ta religion avec certitude. C'est pas, ah, regardez, tout à l'heure on a parlé du fait que tu vois les gens faire quelque chose et tu fais la même chose. Et là, on parle de quoi? L'hypocrite ou celui qui est dans le doute, dans sa tombe. On va l'interroger concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, j'ai entendu les gens dire, alors j'ai répété. J'ai répété. Non, tu dois avoir la certitude. Tu dois avoir la certitude. Il y a dans ce hadith le fait de blâmer le suivi aveugle. Le fait de blâmer le suivi aveugle. Et donc tu dois t'efforcer de chercher à comprendre ta religion, de ne pas suivre les gens aveuglément. Et ça, ça commence par quoi les frères? Ça commence déjà par la langue arabe. Première étape, apprends la langue arabe. Ne te dis pas, ah ouais, c'est difficile. Les frères, vous avez devant vous quelqu'un, moi c'était créole et français encore, avec beaucoup de fautes le français. Et français encore, c'était pas évident. Et alhamdoulilah, Allah Azzawajal m'a permis d'avoir l'arabe. T'as, pourquoi pas vous? Elle est où la différence entre vous et moi? Il n'y a pas de différence. On est tous des êtres humains, alhamdoulilah. On a des yeux, bouche, oreille, on entend. Taille. Faisons les causes pour apprendre l'arabe. Faisons les causes pour connaître la langue du Coran. Et aussi, donc, il y a dans ce hadith l'importance de la science et d'apprendre la science. Afin de ne pas être dans le doute. Afin de ne pas être dans le doute dans notre religion. Abu Daoud, il cite dans son Sunan que Mu'adh, à chaque fois, Mu'adh, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il faisait une assise, et ce hadith, il est cité dans le livre. Il est cité dans le livre qu'on étudie actuellement, vers la fin du livre, Inch'Allah. Et donc, Mu'adh, à chaque fois qu'il faisait une assise, en début de l'assise, il disait « Inna Allaha hakamun qisto » « Siat Allah juge en toute justice »« Helekel murtaboun » « Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition » Il répétait ça trois fois « Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition » Et donc comment est-ce que tu enlèves le doute? En apprenant. Apprends. C'est difficile là. Lorsque tu vois, il y a plein de groupes, il y a plein de paroles, comment faire, aller où? Apprends, tu vas voir. Apprends le Coran, la Sunna, et tu vas voir, ça va devenir clair. Il n'y aura plus de doute, bismillah. Toyib, alhamdulillah, on va arrêter là, et on reprend tout à l'heure, bismillah, wa faqallahu jami'a.